On ne peut pas non agir. L'âme est faite pour agir. C'est passif, l'âme, de nature. Le principe actif, c'est l'esprit. Puis entre les deux, il y a l'ego qui est réactif. Puis pour ce qui est le non-agir, c'est la base du taoïsme. Que là, ça, je connais ça. Là, j'ai de l'affection, puis même ben, des fois trop, dans le sens, je le dis, ah, c'est ma faille à moi.